La première édition par Jacques Normand. Monsieur et chers clients, nous avons le plaisir de vous annoncer que la première édition de votre volume Les Hirondelles étant complètement épuisée, il y a lieu de procéder à un nouveau tirage. Veuillez prendre la peine de passer à la librairie pour vous entendre avec nous à ce sujet. Recevez, etc., etc., ma seule frère, éditeur. Quand j'ai reçu cette lettre, nous racontait l'autre jour Henri Didier, le célèbre auteur dramatique, je crus mourir de joie et d'étonnement, plus encore d'étonnement que de joie. Épuisé, la première édition des Hirondelles, mon volume de début, un volume de vers, et j'avais 22 ans à peine. Je ne connaissais personne à Paris. Je n'avais eu aucun article, rien que quelques réclames payantes à la 4e page des journaux. Ce résultat inespéré, invraisemblable, en combien de temps avait-il été obtenu? En un mois seulement. Alors, c'était un succès, un vrai succès. J'avais donc du talent. Je commençais donc à être apprécié par ces contemporains que j'avais calomniés jusqu'ici, les accusant d'être rebelles à toute poésie, les traitant d'abominables bourgeois. Je ne m'arrêterai plus désormais. Après ce volume, un second. J'avais même déjà travaillé, en rêve. Puis viendrait le théâtre, ce puissant tremplin qui d'un coup vous jette en pleine renommée, en pleine gloire, dans les étoiles. Et le roman? Pourquoi pas aussi le roman? Je songeais déjà à des études psychologiques profondément fouillées, à des descriptions exactes et saisissantes. Mon cerveau travaillait. Toutes les folles ambitions de la 20e année bourdonnaient dans ma tête. Je relisais sans cesse la bienheureuse lettre. Je parcourais ma chambre en long et en large, rayonnant avec de grands gestes. Eh bien, qu'as-tu, mon mignon? La figure de mon grand-père venait d'apparaître dans l'entrebâillement de la porte, une figure bienveillante, finement rasée, le nez fort, les yeux vifs derrière les lunettes, la perruque bien peignée, encadrant de ses ondulations savantes les chairs calmes et rosées. « Ce que j'ai, grand-père? Tiens, lis !» Quand il eut parcouru la lettre. « Eh bien quoi? Tes vers sont assez jolis, il me semble. Mais songe donc, grand-père, c'est un succès inattendu, on ne lit plus de vers. » On lit les tiens, ça doit te suffire, je crois bien. Alors tu es heureux? Si je suis heureux, c'est tout ce qu'il faut. Il ouvrit sa tabatière, épuisa lentement et se barbouilla le nez, tout en me regardant avec un sourire dans les yeux. Un quart d'heure après, j'étais chez les Massol. Tout le monde littéraire connaît cette célèbre maison de librairie, ce vaste hall ajouré d'en haut, où les volumes, classés avec soin, s'étendent en fil blanche, jaune et bleu. Des balcons en bois courent le long des murs et y forment 2 étages. C'est un va-et-vient continuel d'employés, de placiers et de commis, de volumes et de papiers qui montent ou descendent à crochets de fines poulies. Une sorte d'usine intellectuelle dont la pensée imprimée est l'intarissable produit. D'un bond, je montai au premier étage, au cabinet de l'aîné des Massol, celui qui s'occupe plus spécialement de recevoir les auteurs. Je trouvai le cabinet fermé. Un bruit de voix s'en échappait. Le patron était occupé. Je m'assis sur un banc en attendant mon tour. Et tout en attendant, je me rappelais mon émotion la première fois que j'étais venu dans cette librairie. Avec quel battement de cœur je montais cet escalier, mon manuscrit sous le bras. Et quand j'entrais dans le cabinet de Massol, quel tremblement secouait tout mon être. Il me recevait poliment mais froidement. Il avait raison après tout. Un jeune homme de 20 ans, un inconnu, qui lui apportait quoi? Des vers. Une denrée qui ne se vend guère en librairie. Un roman passe encore, mais des vers. Il avait consenti à méditer cependant, à condition que je fisse les frais, bien entendu. Et depuis lors, j'avais passé par toutes les émotions d'un premier volume. Les épreuves qui arrivent tout humides encore de l'impression, pleines de fautes qui désespèrent et dont il semble qu'on ne viendra jamais à bout. Les hésitations grammaticales incessantes, les ponctuations douteuses, les luttes sans cesse renouvelées avec les typographes que l'on traite in petto d'imbéciles et qui vous payent de la même monnaie, la table à faire, le titre et le faux titre à composer de façon à séduire l'œil de l'acheteur, la couleur de la couverture à choisir, le bon à tirer, ces 3 petits mots qui n'ont l'air de rien, mais qui sont tout en réalité, puisqu'ils lancent la pensée de l'auteur au public, comme les 3 coups, avant le lever du rideau, livre la pièce au spectateur. Enfin, l'apparition du volume tout neuf, tout pimpant, aux vitrines des libraires, sur les boulevards, dans les passages. Le cabinet de Massol venait de s'ouvrir. X, l'académicien, en sortait, accompagné jusqu'à la porte par les saluts de l'éditeur. Un bon client, celui-là, et qu'on chauffait. En arriverai-je là jamais, mon Dieu ? Massol me fit signe d'entrer, bienveillant et quasi paternel. Il me pria de m'asseoir, et se carrant lui-même dans son fauteuil de cuir. « Vous avez reçu notre lettre ?»« Oui, monsieur Massol. » »« Un volume de verre enlevé en un mois. Entre nous, je n'y comprends rien. » C'était peu flatteur, mais j'avais été trop étonné moi-même pour ne point excuser cet étonnement. « Très drôle ce qui se passe pour votre livre, » continua-t-il. « On l'achète, mais on n'en parle pas. C'est la première fois que je vois ça en librairie. Très drôle, très drôle. » Il fut convenu, séance tenante, qu'on tirerait immédiatement 500 nouveaux exemplaires des Hirondelles pour ne pas manquer la vente. En effet, quelques jours après, chez les libraires, je voyais mon cher volume s'étaler majestueusement orné de cette formule flatteuse, deuxième édition. Décidément, j'étais quelqu'un. Et cependant, la réflexion de Massol me troublait un peu. Personne ne parlait de mon volume, personne ne semblait l'avoir lu, excepté ceux à qui je l'avais envoyé, et encore. Après tout, me disais-je, je suis bien sot de me tourmenter de la sorte. Puisque les hirondelles se vendent, c'est qu'on achète les hirondelles. Qu'ai-je à demander de plus ? D'ailleurs, le volume ne contient que des vers d'amour, des vers passionnés. Ce sont les femmes qui doivent se l'arracher. Oh, les femmes ! Et grisé par cette pensée, je croyais voir mon volume à couverture bleue entre les mains de toutes les grandes dames du noble faubourg qui le lisaient le soir, dans leur lit, et s'endormaient en y rêvant. Encouragé par ce premier succès, je m'étais mis au travail avec ardeur. Je fis ma première pièce, La Grand-mère, qui, comme vous savez, eut la chance de réussir à l'Odéon. Puis vinrent les victimes du mariage au gymnase, puis les deux frères à la Comédie-Française, puis d'autres encore. Je devenais un auteur arrivé, comme nous disons. Les années se passaient, et je ne songeais plus à mes hirondelles, œuvres de jeunesse, timide essai désormais oublié. C'est alors que j'éprouvais une des grandes douleurs de ma vie. Je perdis mon cher grand-père. Il s'éteignit doucement, soigné, chéri par nous tous jusqu'à sa dernière heure. C'était une de ces natures rares où l'égoïsme n'a jamais pu trouver place, et dont la bonté active ne recule devant aucune peine pour causer quelque joie aux êtres aimés. Âme tendre et délicate, qui s'oublie sans cesse pour ne penser qu'aux autres, s'estime amplement payée par un sourire, et font leur bonheur des bonheurs qu'elles peuvent donner. Je me souviendrai toujours de l'impression douloureuse que nous ressentîmes quand, un mois après la mort de cet être cher, nous pénétrâmes dans son appartement. Il était resté tel quel, avec les anciens meubles, les objets familiers qui nous le rappelaient. De fins rayons de soleil glissant à travers les volets tombaient obliquement sur le tapis à fleurs de la chambre, formant comme une grille dorée où des poussières volaient. Nous marchions sur la pointe du pied, nous parlions à voix basse. Il nous semblait qu'il était encore là, dans ce grand lit aux rideaux fermés, ou dans ce fauteuil qu'il affectionnait, ou près de cette table sur laquelle il étendait son journal, faisait ses comptes avec cette saine ponctualité qu'il apportait dans les moindres choses de la vie. Un domestique, nouveau venu dans la maison, ouvrit les volets brusquement, indifférent à une émotion qu'il ne pouvait comprendre. D'un coup, la lumière du dehors inonda toute la pièce et avec elle une grande nappe d'air frais apportant le brouhaha de la rue. La mort laissait entrer la vie. Et avec la vie, ses nécessités cruelles. L'appartement du cher défunt allait être mis en location. Il fallait enlever les meubles, vider les armoires, faire place nette à l'inconnu qui viendrait le remplacer. Les morts vont vite, surtout dans les grandes villes, ces immenses ruches en perpétuelle activité. À peine un alvéole est-il vide de son bourdonnement de vie, qu'une autre vie s'y installe, ignorante de celle qui l'a précédée comme de celle qui la suivra. Le déménagement commença. J'étais péniblement impressionné. Tout ce qui restait encore de mon grand-père me semblait se disperser, s'émietter peu à peu. Cette existence régulière qui, pendant plus de 30 ans, tournait dans ce petit espace, y avait laissé partout son empreinte. À chaque meuble enlevé, à chaque tiroir vidé, c'était un souvenir qu'on remuait, qu'on arrachait. Je n'ai jamais si bien compris le sunt lacrima et rerum du poète. Oui, Ces 1000 riens, accumulés depuis si longtemps, souffraient cruellement, j'en suis sûr, enlevés sans pitié à leur place coutumière, à la tranquille obscurité où ils dormaient. L'un de nous eut une exclamation étonnée, et me montrant le bas d'une armoire qu'il venait d'ouvrir, « Henri, viens donc voir !» Je regardai aussitôt et je vis, « Oh, cher grand-père, cher et excellent homme !» Je vis les rayons inférieurs de l'armoire remplis de volumes tout pareils, non coupés, revêtus d'une couverture bleue que je connaissais bien. Les hirondelles, les hirondelles. Elle était là, presque entière, la première édition de mon volume, cette édition si rapidement enlevée, qu'on achetait et dont on ne parlait pas, comme avait dit Massol. Je crois bien qu'on n'en parlait pas. C'était grand-père qui l'avait acheté. C'était lui, ce public insaisissable. Lui, ces belles duchesses que je me figurais dévorant mes vers, accoudées au milieu des dentelles de leur oreiller. Je m'agenouillais, touchais d'une main tremblante ces volumes, intacts et vieux tout ensemble. Quelques-uns portaient les timbres des libraires les plus éloignés. Celui-ci venait du boulevard du Temple, tel autre des galeries de l'Odéon. Tout en les maniant, je croyais revoir le cher homme parlant de son pied léger, ainsi qu'il disait, et trottant aux quatre coins de Paris pour acheter le volume de son petit-fils. Je le voyais entrer dans la boutique, demander fièrement les hirondelles d'Henri Didier, prendre deux ou trois exemples, le plus qu'il pouvait sans éveiller les soupçons du marchand, et les emporter sous son bras, riant en lui-même de sa ruse touchante. À peine rentré, il courait vite à cette armoire, y cachait son butin, heureux de voir la file s'allonger toujours. Pendant plus de 15 ans, il avait gardé son secret. Sa délicatesse n'avait pas voulu d'un remerciement auquel elle eut tant de droit. Et je me souvins alors de la phrase qu'il m'avait dite, en souriant derrière ses lunettes, le jour où je recevais la lettre de Massol. « Tu es heureux, petit ? Allons, c'est tout ce qu'il faut. » Oui, j'étais heureux, cher grand-père. Aucun des succès que j'ai eu depuis n'a égalé ce bonheur d'apprendre que la première édition de mon premier volume était épuisée. Je sais maintenant comment elle le fut. Je connais ta ruse innocente. Et à la joie passée est venue se joindre la reconnaissance profonde pour celui qui me l'a donnée. T'aimer davantage, je ne l'aurais pu. Mais ta touchante attention m'a prouvé que ce qu'il y a de plus attachant ce monde et de vraiment sublime, c'est la bonté. » Henri Didier s'arrêta. Une larme coulait sur sa joue, et tous, nous restions autour de lui, silencieux, doucement émus de l'histoire.